Yann, il faut que tu baisses le monitor mix. Ça suit. Feels no pain. Thank you. gonna. International. C'est pas n'importe quoi. C'est un process, une évolution. It's a level. What we need is love. War in the west. Time when you live long. Behind, sweet corn. début, tu commences ton chemin, tu es en marche. ça oui. Thank you. pas de travail, spéculation sur le travail, plus de travail, dégage. Alors, une figure internet rassurante. Je me rappelle les cours de sociologie qui avaient eu ces différentes ères de socialisation. Sous-estime l'influence d'Internet, sous-estime l'influence de notre civilisation. On s'est perdu contre-marée, contre-vent. Contre-le-vent et le marée. Thank you. toi, je t'adapte. Ce nouvel impératif. Tu dégages. Oh, tu dégages. Et moi, je suis désolé, mais je vais muter Giorgio. Si jamais je vais le muter avant le PMVN. Je sais pas vous. C'est la première fois que je le fais. Tu. Ah oui, j'adore ce que tu fais, mec. Viens voir les musiciens. Les musiciens. Les musiciens qui viennent de la vibe. Le remet un bien. Non, non, elle fait de bien. Voir les musiciens. J'ai remis dans le mix, je peux pas m'empêcher. J'ai remis dans le mix, je peux pas m'empêcher. J'ai remis dans le mix, je peux pas m'empêcher. Encore. Encore. Je vais pas te mentir, je l'ai remis dans le mix. Je l'ai remis dans le mix. On essaye. Là, je l'ai remis dans le mix. On essaye. Oh, B.I.D. Je l'ai remis dans le mix. Je l'ai remis dans le mix. Yo, je l'ai remis dans le mix. Et j'aime bien. Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Tant pis pour l'écueil. tant pis pour l'orgueil, tant pis. Tant pis sur le seuil, tant pis. Tant pis pour l'écueil, mais tant pis. On avait dit un cœur. On avait dit l'accueil. On avait dit le seuil. On n'était pas les seuls. On avait dit l'accueil. On avait dit le seul. On avait dit l'accueil. On dépasserait pas le seuil. L'accueil. On avait dit pas le seuil. Frustré. Tant pis pour les rêveurs. Accueil. J'accueille l'envie. J'accueille l'envie. Tant pis pour le seul. Moi j'ai déjà fait mon deuil. Tant pis. Tant pis. Tant pis, un privé, tant pis, tant pis, précieux, c'est tout, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, moi j'ai tout dit, tant pis, tant pis. Tant pis qui robe le seuil, tant pis, tant pis. Si on s'est mal compris, tant pis. Si on s'est mal compris, tant pis. Si on s'est mal compris, tant pis. Tant pis. Pas n'importe quel an. Et tant pis, je t'aime moi aussi. Tant pis, tant pis. Tant pis si on s'est mal compris, et puis tant pis. Si on donne pas le change ici, tant pis. Moment qu'on sait ce qu'on voulait. Tant pis, tant pis. C'est vrai que tu y étais en vie. Oui, tant pis, oh tant pis. Mais est-ce que tu sais toi qui tu es? Qui, tant pis, et tant pis. Pourquoi tu finis si marié? Tant pis, tant pis, tant pis. Que tu connais Bernard, allez. Tant pis. C'est non. Tant pis, tant pis, je me suis trompé, tant pis, j'ai fait tant pis, holy. Je me suis trompé aussi, tant pis. Si je veux pas jouer à ce jeu qui a dit, on va passer chez ce libéré. C'est une dictature, tu sais. Moi j'ai pas vu si j'ai reçu de réponse après d'amis nommés. Qu'en est-il de jeudi? De ton anniversaire? De ton happy birthday? Sinon, de ton anniversaire? T'auras trop d'archives. Happy birthday. Faudra savoir. The song is crazy. chez toi. Saturday night after work, after a long week. Okay. sorry. Under the bridge, plot, so the combat someone comes.